Chapitre 33e. Le repos. Après tout ce bruit, ces terreurs et ces commotions, la tranquillité de la maison faisait un étrange contraste. Mr. Hale avait fait tout préparer pour le retour de sa fille, puis il s'était remis dans son fauteuil et était retombé dans sa vague et douloureuse rêverie. Dixon avait à diriger et à gronder Mary Higgins, et ses gronderies, pour être faites tout bas, n'en étaient pas moins énergiques. Mais elle aurait cru commettre une irrévérence en élevant la voix dans la maison tant que la défunte y était encore. Marguerite avait décidé qu'elle ne dirait rien à son père de l'aventure avec Léonard. Il n'était pas nécessaire d'en parler puisque tout avait bien fini. La seule chose à craindre, c'était que Léonard ne trouvât emprunté de quoi suivre Frédéric à Londres. Mais il y avait tant de chances contre la réalisation de cette crainte que Marguerite se résolut à ne se pas tourmenter en pensant à des événements fort hypothétiques et qu'elle ne pouvait empêcher. Frédéric certainement devait être sur ses gardes, et dans un jour ou deux au plus, il aurait quitté l'Angleterre. « Je présume que nous aurons demain des nouvelles de Mr. Bell ?» dit Marguerite. « Oui, » répondit Mr. Hale, « je le pense aussi. S'il peut venir, il sera ici demain soir, sans doute. S'il ne peut pas, je prierai Mr. Thornton de m'accompagner à la triste cérémonie. Je ne puis y aller seul. C'est tout à fait au-dessus de mes forces. Oh, papa !» « Ne demandez pas cela, Mr. Thornton. Laissez-moi vous accompagner, » dit Marguerite avec impétuosité. « Toi, ma chérie ? Mais les femmes n'y vont pas, ce n'est pas l'usage. »« Non, parce qu'elles ne peuvent pas se contraindre. Les femmes de notre classe n'y vont pas parce qu'elles ne savent pas se rendre maîtresses de leur émotion, et qu'elles ont honte de la laisser voir. Les femmes du peuple y vont parce qu'elles se préoccupent peu qu'on les voit accablées de douleur. Mais je vous promets, papa, que si vous me permettez de vous accompagner, je ne troublerai pas la cérémonie. Ne me préférez pas un étranger, cher père. Si Mr. Bell ne vient pas, j'irai avec vous. S'il vient, je ne vous tourmenterai plus. Je ferai ce que vous désirerez. » Mr. Bell avait eu un accès de goutte. Il lui était impossible de venir. Sa lettre était pleine d'affection et exprimait le regret le plus sincère de ne pouvoir rendre les derniers devoirs à la femme de son ami. Il espérait pouvoir venir bientôt les voir, si cela ne leur était pas incommode, car ses propriétés de Milton réclamaient l'œil du maître, et son agent lui avait écrit que sa présence était absolument nécessaire. Il avait retardé autant que possible de venir à Milton, et la seule chose qui le réconcilia avec ce voyage était l'idée d'y voir un vieil ami et de pouvoir peut-être lui offrir quelques consolations. Marguerite eut toutes les peines du monde à persuader à son père de ne pas inviter Mr. Thornton. Elle éprouvait une répugnance invincible à ce qu'on fît cette démarche. Le soir qui précéda le convoi funèbre, on apporta un billet cérémonieux de Mrs. Thornton à Miss Hale, disant que, selon le désir de son fils, sa voiture suivrait le cortège si cela convenait à la famille. Marguerite passa le billet à son père avec un geste dédaigneux. « Ah, laissons de côté ces vaines formules de politesse, » dit-elle. « Allons-y seuls, vous et moi, mon père. » Il se soucie bien peu de nous, autrement il aurait offert de venir lui-même et n'aurait pas proposé d'envoyer sa voiture vide. « Comment ? Je croyais qu'il vous était si désagréable qu'il y vint, Marguerite ?» dit Mr. Hale, un peu surpris. « C'est vrai, je ne désire pas qu'il y vienne, et surtout je ne voudrais pas qu'on le lui demandât. Mais par ce dernier procédé, il semble se railler de notre douleur, et je n'attendais pas cela de lui. » Elle éclata en sanglots si violents que son père en fut effrayé. Sa douleur jusque-là avait été si patiente, elle s'était tant occupée des autres, elle avait montré tant de douceur, qu'il ne pouvait comprendre cette impatience nerveuse qui la dominait tout à coup. Elle paraissait inquiète et agitée, et toute la tendresse et la sollicitude que son père lui prodiguait à son tour semblait encore ajouter à son désespoir. Elle passa une nuit déplorable, qui ne la rendit guère propre à supporter courageusement l'anxiété nouvelle que lui causa une lettre qu'elle reçut le matin de Frédéric. Mr. Lennox était absent. Son clerc avait dit qu'il serait de retour mardi au plus tard, mais que peut-être il reviendrait lundi. En conséquence, après avoir un peu réfléchi, Frédéric s'était décidé à rester un jour ou deux de plus à Londres. Il avait eu envie de revenir à Milton. La tentation avait été forte, mais l'idée de trouver Mr. Bell établi dans la maison et l'alerte qu'il avait eue au dernier moment à la gare du chemin de fer l'avait déterminé à rester à Londres. Marguerite pouvait être sûre qu'il prendrait toutes les précautions possibles pour que Léonard ne retrouvât pas ses traces. La pauvre enfant remercia le ciel que son père n'eût pas été là lorsqu'elle avait reçu cette lettre, car il aurait fallu lui en faire la lecture. et comment adoucir les inquiétudes affreuses qui auraient alors assiégé l'esprit de Mr. Hale. Ce n'était pas seulement le retard qu'éprouvait le départ de Frédéric, retard qui déjà par lui-même pouvait inspirer bien des craintes, mais il y avait dans la lettre plusieurs allusions à l'aventure du chemin de fer et à la possibilité d'une poursuite qui glaçait le sang de Marguerite dans ses veines. Et comment son père aurait-il pu les supporter? Plusieurs fois elle regretta d'avoir envoyé son frère consulter Mr. Lennox. Il lui avait d'abord semblé que ce serait un retard bien insignifiant, une chance bien minime ajoutée au bien faible risque qu'il y avait alors pour lui d'être reconnu. Mais tout ce qui s'était passé avait bien compliqué la situation. Marguerite luttait de toute sa force contre ce regret qui venait l'assaillir et qui ne pouvait rien réparer. Cette espèce de remords d'avoir proposé qui lui semblait sage alors et qui éventuellement était devenu une chance de danger. Mais son père, s'il avait tout su, n'était pas en état de lutter. Ni son corps ni son esprit n'en avaient la force. Il aurait succombé à un sombre désespoir. Marguerite résolut donc de lui cacher jusqu'au bout ce dont elle avait fait mystère. Elle appela son aide à toute son énergie. Mr. Hale semblait avoir oublié qu'on attendait ce jour-là des nouvelles de Frédéric. Il était absorbé dans une pensée unique, celle que tout ce qui lui restait de sa femme allait lui être enlevé. Il trembla de tous ses membres pendant qu'on drapait sur lui les crêpes de deuil. Il regardait fixement sa fille, et quand tout fut prêt, il avança vers elle d'un pas défaillant en murmurant « Priez pour moi, Marguerite, je n'en ai plus la force. Je la laisse aller, parce qu'il le faut. Je tâche de supporter cette angoisse. Oui, ma fille, j'ai fait tous mes efforts, car je sais que c'est la volonté de Dieu. Mais je ne puis comprendre pourquoi il m'a retiré ma femme. Demandez pour moi, mon enfant, assez de foi pour que je puisse moi-même prier. C'est une dure extrémité, ma fille. » Marguerite s'assit près de son père dans la voiture, le tenant presque dans ses bras, et lui redisant tous les saints versets des Écritures qu'elle croyait propres à faire naître dans son cœur le courage et la résignation. Sa voix ne défaillit pas, et elle-même trouva de la force dans l'accomplissement de cette pieuse tâche. Les lèvres de son père répétaient après elle les textes sacrés. C'était un douloureux spectacle que celui des patients efforts que faisait Mr. Hale pour obtenir par elle cette résignation qu'il ne pouvait faire entrer de lui-même dans son âme. La force de Marguerite l'abandonna presque, lorsque Dixon lui montra d'un geste Nicholas Higgins et sa fille un peu à l'écart, mais religieusement et profondément attentif à la cérémonie. Nicholas était revêtu de son costume habituel, mais une bande d'étoffe noire avait été cousue à son chapeau, signe de deuil qu'il n'avait même pas donné à la mémoire de sa fille Bessie. Mr. Hale, lui, ne voyait rien. Il répétait, comme machinalement, avec le prêtre, le service funèbre. Quand tout fut terminé, il poussa deux ou trois soupirs, puis, s'appuyant sur le bras de Marguerite, il lui fit signe de l'emmener, comme si elle eût été aveugle et qu'elle eût été son guide fidèle. Dixon sanglotait tout haut. Elle s'était couvert le visage de son mouchoir et était tellement absorbée dans son chagrin qu'elle ne s'aperçut que la foule, attirée d'ordinaire par ces lugubres cérémonies, s'était dissipée. Que lorsqu'elle s'entendit adresser la parole par une personne placée à côté d'elle. C'était Mr. Thornton. Il avait assisté aux obsèques debout, la tête inclinée derrière un groupe assez compact, de sorte que personne ne l'avait reconnu. « Je vous demande pardon, » fit-il, « mais pouvez-vous me donner des nouvelles de Mr. Hale et aussi de Miss Hale? Je voudrais savoir comment ils se trouvent tous deux. » « Cela se comprend, monsieur. Ils vont, comme on peut le penser, bien doucement. Monsieur est terriblement abattu. Mademoiselle supporte ce coup mieux qu'on aurait pu s'y attendre. » Mr. Thornton aurait préféré apprendre qu'elle souffrait tout ce qu'un tel malheur peut faire éprouver. D'abord, il y avait en lui assez d'égoïsme pour lui faire désirer de pouvoir la consoler et adoucir ses maux par la grandeur et la force de son amour, à peu près comme une mère qui sent un bonheur étrange et passionné à voir son enfant couché sur son sein et complètement dépendant d'elle. Mais cette délicieuse vision de ce qui aurait pu être, vision qu'il aurait caressée quelques jours auparavant en dépit du refus de Marguerite, était affreusement troublée par le souvenir de ce qu'il avait vu à la station d'Outwood. Troublée, ce mot n'était pas assez fort. Il était harcelé par le souvenir de ce beau jeune homme avec lequel il l'avait vu dans une attitude si familière et si confiante. Et ce souvenir traversait son cœur d'une telle angoisse qu'il serrait les poings avec assez de violence pour que ses ongles pénétrassent dans sa chair. Si loin de sa demeure, à une heure aussi avancée et dans des circonstances si douloureuses, il lui fallait un grand effort moral pour faire revivre la confiance si entière et si parfaite qu'il avait eue naguère en la pureté et l'exquise modestie de Marguerite. Aussitôt que cet effort cessait, sa confiance retombait anéantie, et mille soupçons injurieux se succédaient dans son esprit. Et voilà que les paroles de Dixon venaient fortifier encore ses bizarres imaginations. Elle supportait ce coup mieux qu'on aurait pu s'y attendre. Il lui restait donc un espoir assez brillant pour que même sa nature tendre et affectueuse puît trouver de quoi supporter la douleur qui bouleverse le cœur d'une orpheline de la veille. Oui, il savait comment elle pourrait aimer. Il ne l'avait pas aimée lui-même sans deviner d'instinct tout ce que ce cœur enfermait de tendresse passionnée. Oui, un mortel était digne par la puissance et la force de son amour de gagner le cœur de cette femme. Elle vivrait dans une atmosphère perpétuellement radieuse. Même dans l'affliction d'un si grand deuil, elle s'appuierait avec une parfaite confiance sur la sympathie de celui qu'elle aimerait. La sympathie de qui ? De cet homme. Et cet homme, un autre que lui. C'était cette affreuse pensée qui, à la réponse de Dixon, avait amené une pâleur et une rigidité plus grande encore sur le visage déjà si sévère et si pâle de Mr. Thornton. « Je pense, dit-il froidement, que je pourrais me présenter pour voir Mr. Hale, bien entendu. Il me recevra peut-être après-demain ou le jour suivant. » Il parlait comme si la réponse eût dû lui être indifférente, mais loin de là, malgré toute la souffrance qu'il endurait, il lui tardait de revoir celle qui était la cause de ses tourments, bien que parfois il crût haïr Marguerite, même au moment où sa haine semblait la plus violente. Il se représentait toutes les circonstances de sa dernière entrevue, sa gracieuse et charmante attitude, et il avait un désir inquiet de contempler de nouveau ses traits, de respirer le même air qu'elle. Il était dans le gouffre, le charybde de la passion, et tous ses efforts ne faisaient que le rapprocher davantage du centre fatal où forcément il devait trouver sa perte. « Je pense que monsieur vous recevra. Il a regretté de ne vous avoir pas vu l'autre jour, mais c'était impossible vu les circonstances. » On ne sait pourquoi Dixon ne parla jamais à Marguerite de cette conversation avec Mr. Thornton. Peut-être fût-ce la faute du hasard. Toujours est-il que Marguerite ne sut point qu'il avait été au convoi de sa mère.